Mireille Kanyang. Merci de nous rester fidèles, Madame, Monsieur, et bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici la charpente. Double célébration ce 3 décembre, la journée nationale du contribuable, 9e édition. L'Office burundais des recettes OBE fait encore face à des défis et l'Association burundaise des consommateurs à Bouko réagira à un écart de plus de 110 milliards de francs burundais par rapport aux recettes attendues au premier trimestre de cet exercice budgétaire en cours. On a également célébré la journée internationale des personnes vivant avec handicap. Celle-ci demande d'être représentée dans les instances de prise de décision. Dans cette édition, on revient sur le non-respect des prix des produits Braroudi en commune Ngozi. C'est au nord du Burundi. Au nord du Burundi, encore en commune Muyinga, nous vous parlerons du climat politique pendant cette période préélectorale. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par Alphonse Kubgiman. Bienvenue encore une fois, célébration ce mardi 3 décembre de la journée du contribuable 9e édition. Les cérémonies se sont déroulées au cercle hippique de Bujumbura. Le ministre des Finances, Odas Nyonzima, a alors appelé l'OBR à se ressaisir et collecter de façon effective et efficiente les taxes et impôts. Et de son côté, le commissaire général de l'OBR, Jean-Claude Manirakiza, s'est montré rassurant. Une Francine Ndihokubwayo. Le commissaire général de l'OBR a indiqué qu'au cours de l'année budgétaire de juillet 2023 à juin 2024, l'Office burundais des recettes a collecté plus de 1,9 milliard francs burundais, un montant qui se compte à 101% par rapport aux recettes attendues. Jean-Claude Manirakiza a promis de tout faire pour une collecte effective et efficiente, bien que des défis ne manquent pas. Il existe des contribuables qui ne cessent de penser à des moyens de passer outre la loi en ne payant pas. Concernant les taxes de douane, les enquêtes faites sur les 4 derniers mois ont révélé que sur 101 camions venus de l'extérieur, seuls 23 ont fait des déclarations sans irrégularité. Là, nous avons pu récupérer près de 2,5 milliards s'ajoutant au montant déclaré. Quant à la collecte des impôts à l'aide des factures électroniques, nous avons découvert qu'il y a des gens qui ont essayé de détourner les TVA, mais nous les avons traqués et nous nous en réjouissons. On va récupérer en tout 4 milliards sur un groupe de 48 contribuables déjà recensés. Le ministre des Finances, à son tour, a déclaré que certains agents de l'OBR constituent un frein dans la collecte des impôts et taxes. Odas Nyonzima a appelé ces derniers à se ressaisir en évitant de collaborer avec les contribuables qui ne s'acquittent pas de leurs obligations fiscales. Au cours de la célébration de cette 9e édition de la Journée du contribuable, le président de la Chambre fédérale de commerce et d'industrie du Burundi, Olivier Suguru, a souligné que vu l'apport des commerçants et investisseurs dans le paiement de ces impôts et taxes, les opérateurs économiques œuvrant au Burundi devraient bénéficier des services leur permettant d'exercer facilement leurs activités. Francine Ndihokubwayo et l'Association burundaise des consommateurs à Bouko demandent au gouvernement de ne pas revoir à la hausse les taxes sur les produits de première nécessité suite à l'enregistrement d'un déficit de plus de 110 milliards de francs burundais sur les recettes escomptées pour le premier trimestre de l'exercice en cours. Pierre Ndouayo, président de la dite association, avance la pénurie des produits pétroliers, le manque de devises comme principaux facteurs liés à cette situation. Il souhaite que ces problématiques soient résolues dans les meilleurs délais, estimant qu'elle perturbe notamment les activités des secteurs du transport et de l'industrie. On l'écoute. La première explication, c'est la pénurie généralisée du carburant qui s'est manifestée au cours de ces dernières années, impactant justement l'année budgétaire. Et cela a absolument une conséquence sur pas mal de secteurs. Le premier secteur concerné, par exemple, c'est à titre d'illustration, c'est le secteur des transports qui a été fortement paralysé. Nous avons assisté des colonnes de véhicules au cours des routes, ce qui signifie que les taxes qui devaient être prélevées sur les litres consommés n'ont pas du tout pu être enregistrés par le gouvernement. Et l'autre secteur, c'est le secteur des bâtiments et des travaux publics qui utilise une grande quantité de carburant, mais aussi le secteur des industries, parce que c'est un secteur aussi qui a besoin de beaucoup de carburant. Donc sans carburant, toute l'activité économique est pratiquement paralysée. La deuxième raison que nous voyons au niveau de la banque, c'est l'indisponibilité des devises. Vous avez constaté qu'aujourd'hui, pour se procurer des devises, ça devient un véritable parcours du combattant. Et le gouvernement, c'est vrai, la Banque centrale avait pris des mesures disant que les clients devraient absolument s'adresser à leur banque, mais vous allez dans une banque et vous ne trouvez aucune devise, ce qui fait que les gens sont obligés de recourir au marché parallèle avec des fluctuations qui dépassent l'entendement, ce qui impacte négativement sur le circuit économique. Qu'est-ce qui devait être fait? Au niveau de la Banque, nous proposons que le gouvernement mette tout ce qui est en son pouvoir pour assainir le secteur d'approvisionnement du carburant, parce que c'est le poumon de l'économie. Sinon, même dans les 6 mois prochains, si la situation perdure comme ça, il risque d'y avoir une paralysie quasi généralisée. Il devait aussi trouver solution au secteur des devises, parce que, comme on le constate aujourd'hui, vous allez dans les banques commerciales, vous ne trouvez aucune devise, vous allez au marché parallèle, vous ne trouvez pas de devise, et si vous en trouvez, c'est à un prix très cher, ce qui a vraiment un impact très négatif sur la vie économique. Et nous craignons que si des mesures ne sont pas prises, en vue de remédier à ce déficit, le gouvernement risque de mettre beaucoup de taxes sur les produits vivriers qui sont consommés par la grande majorité de la population. Et cela aura pour conséquence une paupérisation de la masse, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous trouvons que la situation est très dramatique. Et si des taxes supplémentaires étaient introduites sur les produits vivriers, la situation risque d'être très, très, très intenable. Vous n'avez pas Isangani l'eau ? Vous ratez l'essentiel. Célébration ce 3 décembre de la Journée internationale des personnes vivant avec handicap. Les cérémonies se sont déroulées en commune Buganda de la province Chibitoke. Dans cette édition, on va à la rencontre de Kefas, un élève qui vit avec handicap. Il est amputé d'une jambe. Il étudie en biochimie et sciences de la terre en troisième année au lycée Kayanza. Il éprouve des difficultés quand il faut aller dans des lieux d'aisance. Et Clavier Akizimana, directeur du lycée Kayanza, indique que les jours à venir, le ministère de tutelle trouvera solution à ce problème. Un reportage signé Patrick Nsengiyumva. Kefas Nshimir Mukiza, cet élève vivant avec handicap et qui est scolarisé au lycée Kayanza, dit que parmi les défis auxquels il fait face quotidiennement à cause de son infirmité, figure principalement la perte du temps quand il se prépare pour l'étude du soir, expliquant qu'il est obligé d'attendre que les autres élèves terminent de se laver et que même pendant les moments des évaluations, il trouve du mal à se dépêcher comme les autres qui sont normaux pour gagner la grande salle où les évaluations se font passer. Cet handicapé scolarisé au lycée Kayanza déplore également qu'à cause de l'étroitesse des matelas sur lesquels dorment les élèves, il arrive des cas où ses camarades le font souffrir la nuit sans le savoir. Kefas Nshimiru Mukiza ne manque pas aussi à indiquer que les sanitaires des élèves sont construits pour des élèves qui sont normaux, d'où les élèves vivant avec handicap éprouvent des difficultés lorsqu'ils veulent se soulager. Cet élève vivant avec handicap, étudiant au lycée Kayanza, demande que les écoles à régime d'internat ou bien même des écoles à régime d'externat puissent aménager des locaux propre aux personnes vivant avec infirmité. Clavier Hakizimana, directeur du lycée Kayanza, fait savoir que la question a été déjà soumise au ministère de l'Éducation pour y trouver solution. Le directeur du lycée Kayanza appelle également les administrateurs communaux à appuyer les élèves vivant avec handicap. Signalons que le 3 décembre de chaque année, le monde entier célèbre la Journée internationale des personnes handicapées. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick Nsengiyumva depuis Kayanza. Et la Confédération des réseaux des personnes vivant avec handicap au Burundi plaide pour la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les instances publiques de prise de décision. À l'occasion de cette célébration, la vice-présidente de la Confédération de cette confédération a indiqué que la même représentation devrait également être considérée dans le secteur de l'emploi. Constance Katiha a appelé le gouvernement à mettre en œuvre les textes législatifs déjà mis en place. Et de son côté, la coordinatrice résidente du système des Nations Unies au Burundi a trouvé que le leadership des personnes handicapées reste nécessaire dans tous les secteurs de la vie nationale, et cela pour la réalisation du développement durable. Une information que nous devons à Ornella Mucho. Lors de la célébration de la Journée mondiale des personnes vivant avec handicap sous le thème « Amplifier le leadership des personnes handicapées pour un avenir inclusif et durable », la ministre de la Solidarité a fait savoir que différentes initiatives ont été prises pour promouvoir le développement inclusif. À cet effet, la ministre Imelda Sabuchimike indique que 400 millions de fonds sont alloués chaque année pour aider les personnes vivant avec handicap à travers les formations et associations. La représentante résidente du système des Nations Unis rappellent que cette journée est célébrée dans la période de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre et qu'alors une pensée particulière doit être réservée aux femmes et filles vivant avec handicap. Elle a tenu à souligner que le système des Nations Unies faut continuer à accompagner les efforts du gouvernement burundais afin de bâtir un avenir durable pour tous. Le système des Nations Unies, à travers sa stratégie pour l'inclusion des handicaps de 2019, a déjà pris les engagements en accordant la priorité absolue aux droits et aux intérêts des personnes vivant avec handicap. Au Burundi, nous allons continuer à accompagner les efforts du gouvernement dans la création d'un environnement plus favorable et à la jouissance et à l'exercice des droits humains, y compris les droits des personnes vivant avec handicap. Dans ces mêmes cérémonies, la vice-présidente de la Confédération des réseaux des personnes vivant avec handicap, Constance Katihabga, a plaidé pour la promotion de l'employabilité des personnes vivant avec handicap et leur intégration dans les instances de prise de décision. Il faut franchir une autre étape qui peut aider à la mise en œuvre de ce que le gouvernement a commencé par rapport aux lois. Il faut des mesures d'accompagnement des textes, renforcer la représentativité des personnes vivant avec handicap dans les instances de prise de décision dans le pays, notamment le Parlement burundais et au gouvernement. Que l'État nous comprenne, ce n'est pas pour des postes à profil politique, c'est parce que tout ce qui concerne les décisions sont prises dans ces instances partout dans le monde. Là où cette catégorie a été développée, le circuit a été celui-là. Sur ce, le Premier ministre burundais, qui a rehaussé ces cérémonies, indique que les textes réglementaires ont été mis en place pour la promotion des droits des personnes vivant avec handicap. Toutefois, Gervin de la Kubucha indique que le seul moyen aujourd'hui d'intégrer dans les instances de prise de décision pour les personnes vivant avec handicap est de se faire élire, vu la constitution burundaise. Nous vous interpellons, à vous personnes vivant avec un handicap, de ne pas se sous-estimer et ne pas accepter d'être dénigrés. Nous vous promettons que le gouvernement ne ménagera aucun effort pour promouvoir les droits des personnes vivant avec un handicap. À propos d'être représenté aux instances de prise de décision, avoir la constitution burundaise, le seul moyen est de se faire élire. Pour siéger au Parlement, il faut justement se faire élire. Telles sont les conditions prévues par la constitution de la République du Burundi. À marge de ces cérémonies, une aide composée de riz et de haricots a été octroyée à certaines personnes vivant avec handicap. Parlons commerce à présent. Il s'observe toujours un non-respect des prix des produits Brarudi dans différentes zones de la commune Ngozi. Sur une bouteille d'Amstel 65 centilitres, ça n'ajoute entre 1500 et 3000 francs burundais, même si certains administratifs disent que la vente de ces boissons échappe à leur contrôle, qu'elles se vendent en cachette une fois disponibles. Les consommateurs parlent de la responsabilité de certains administratifs qui font le commerce de ces produits Brarudi ou qui protège les tenants de ces débits de boissons. Le point avec Apollinaire Muzagar. Les consommateurs des produits baroudis, notamment l'Amstel et la Primus, continuent de s'augmenter suite à la hausse incessante des prix de ces produits. Selon les habitants des zones Mubuga, Mivo et d'autres zones de la commune Ngozi, une bouteille de Primus qui devrait coûter 2500 francs s'achète dans les collines de ces zones à 4000 francs, voire 5000 francs. L'Amstel longue 65 centilitres se vend actuellement entre 5000 et 7000 francs bou. Contre 3500 francs normalement reconnus, la petite Amstel est à 4000 francs bou, contre le prix officiel de 2008. Certains des conseillers collinaires rencontrés ce lundi parlent de la pénurie de ces boissons dans ces collines. Les tenants des débits des boissons s'approvisionnent dans les cabarets d'Ongozi à 3500 francs la bouteille Primus pour la vendre à 5000 francs dans ces collines, de même que pour les autres boissons, d'où cette hausse selon ces chefs de colline, qui affirme que la vente se fait alors en cachette à leur insu. Certains des consommateurs de ces produits parlent de la complicité de certains administratifs à la base, parmi lesquels ceux qui ont deux cabarets. Ces citoyens demandent le respect de l'appel lancé par le ministre de l'Intérieur, Daniel Ngozi, Apone Muzagara, Radio Isangani. Parlons politique à présent. Les préparatifs aux élections de 2025 vont bon train dans la commune et province Muyinga, selon le conseil d'administrateur communal de Muyinga chargé des questions sociales et politiques. En cette période préélectorale, Lambert Minani indique que dans le but de se préparer aux élections paisibles, l'administration communale de Muyinga organise des réunions et des rencontres sportives à l'endroit de la jeunesse afin de garder un climat apaisé. On l'écoute au micro d'Evariste Nzikobanya. Pour les élections 25, en commune de Muyinga, je vois que nous avons un bon pas, puisque jusqu'à maintenant, nous n'avons aucun cas entre les partis politiques qui se chamaillent. Pour le moment, c'est une paix, vraiment. On dirait que pas de problème, vraiment. On a constaté dans les années passées qu'au fil de temps qu'on avance, il y a une fièvre électorale qui survient. Qu'est-ce que vous diriez aux représentants des partis politiques? Ce que nous pouvons en dire aux représentants des partis politiques, les élections viennent. Après les élections, la vie continue. Si c'est comme ça, alors nous lançons un appel vibrant à ces représentants vraiment dédiés, ou leurs partisans plutôt. Il faut qu'ils travaillent, personne ne va les empêcher, mais qu'ils travaillent en commun accord, mais aussi dans une situation paisible. Et quelquefois, on voit que ce sont les jeunes qui sont instrumentalisés et se rentrent dedans. Dans ce cas, nous organisons quelquefois des matchs de football ou bien de différents jeux, afin que ces jeunes puissent alors voir que même si il y aura des élections, mais après les élections, la vie continue. C'est par ici que je mets un point final à cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi.